chanson est chantée maintenant. Je l'ai composée au Brésil. J'étais parti là-bas pour livrer une cargaison d'armes aux guérilleros du Front de Libération Nationale pour la libération internationale de tous les pays. Je devais traverser l'Amazonie entière et j'étais tombé en rade au milieu de la jungle avec mon camion bourré de mitrailleuses Kalachnikov. Dans les marécages, le camion enlisé, j'avais fumé une demi-livre de peyote, champignon hallucinogène, mortel, à forte dose. J'en étais sorti vivant, pour ça faut être très intelligent. J'étais accompagné dans cette expédition par les meilleurs musiciens jamaïcains du monde, jamaïcains. Et soudain, alors que j'étais traqué, poursuivi par un troupeau d'éléphapotames en furie, traqué, poursuivi aussi par deux, trois producteurs véreux qui voulaient me faire signer des contrats de pignon. Soudain, au détour d'une clairière, j'ai vu un grand baobab. J'ai posé mes haltères et ma guitare, et dans le baobab, j'ai planté mes extenseurs. Et j'ai commencé à me muscler un petit peu, parce que c'est vrai, faut garder la forme, sinon c'est les marécages, c'est humide, t'as frappé ta rhume et après t'es malade. Au bout d'un moment, à force de tirer dessus, le baobab était un peu plié. Et puis soudain, j'ai pensé à vous dans cet enfer vert. J'ai pensé à vous, bande de petits Européens, loin là-bas. Et je me suis dit, chez eux là-bas, c'est Noël. Alors pour vous spécialement, j'ai composé cette chanson qui s'appelle Le Père Noël. Black! Ça faisait pourtant un an ou deux que je croyais plus du tout en lui. Pas plus que je croyais au bon Dieu d'ailleurs, ou à la semaine des 35 heures. N'empêche que bon, par acquis de conscience, j'ai mis mes Santiago devant la cheminée. Vu qu'on était le 24 décembre, peut-être que le Père Noël se pointerait, hein, va savoir. Alors il est bienvenu, mais manque de bol, dis donc. Avec l'antenne de la télé, il s'est emmêlé les guibolles et s'est vautré dans la cheminée. Il s'est rétamé la gueule par terre sur ma belle moquette en parfum. Il y avait de la suie et des molaires, le Père Noël. Le Père Noël est un crétin. Petit Papa Noël, toi qui descends du ciel, retourne-y vite fait bien fait avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Je lui avais demandé comme cadeau une panoplie d'agents de police, une super boîte de mécano, une carte du Parti Socialiste. Il m'a carrément amené pot de balle, avait pas dû recevoir ma lettre. J'avais peut-être pas mis le code postal qui correspond à sa planète. N'empêche qu'il s'est pas gêné, il m'avait déjà ruiné la moquette. Dans le canapé, il s'est roulé, expliqué la ruche à la nisette. Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le saligo. Avec le pinard a fait pareil, le Père Noël est un poivreau. Petit Papa Noël, toi qui descends du ciel, retourne-y vite fait bien fait avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Comme un polac, le mec, il est bourré comme chez Polac. Il a fait un boucan d'enfer. Il a fouillé toute la baraque en chantant des chansons vulgaires. Il a ravagé mes plantations, toute ma récolte d'herbes de Provence. Veuillez me passer l'expression, il a gerbé dessus, quelle élégance. C'est barré vers 5 plombes du mat avec mes bottes, mon blouson. M'a chouravé aussi ma gratte, m'a juste laissé le bourson gonfler le mec, hein. Et heureusement que ma femme était pas là, je vais dire heureusement, parce que il serait barré avec, hein, il serait pas gêné. Je ne veux plus jamais le voir chez moi, celui-là, le Père Noël. Le Père Noël est un pauvre mec. Petit Papa Noël, toi qui descends du ciel, retourne-y vite fait bien fait avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Petit Papa Noël, toi qui descends du ciel, retourne-y vite fait bien fait avant que je te colle une droite. Avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Allez, casse-toi. Arrache-toi de la vitre, parce que d'abord je te signale que t'es même pas un vrai Père Noël. D'abord, t'es un vrai cambrioleur, oui. Père Noël noir, ça n'existe même pas. Dieu est noir, mais le Père Noël, il est normal. Je l'ai vu au BHV, il est rouge et blanc. Alors, d'abord, arrête. tes conneries là. Joue pas avec tes affaires là. On a dit qu'on déconnait pas avec des cartables et qu'on jouait pas avec la flotte. Hein. Arrête tes conneries, je vais appeler la police. Hein. D'accord. Je vais appeler la milice hein, si ça suffit pas. Hein. Je vais coller, hein. Je vais dire ils sont méchants. Eh, hein. Hey, non, non, tu n'as pas. Comment présentement là, tu as dit là. Non, je dis pas qu'il n'y a pas de comment présentement. Hein. Je signale vieux que tu n'as pas. Comment. Non, je dis pas que j'ai pas dit que tu n'avais qu'à pas tu n'as pas qu'à. J'ai dit simplement que les bottes, si tu veux, je te les file, si tu veux vieux, ok, elles sont pourries. Et le blouson, non. Hein. Si, aussi. Bon d'accord, ok. Les bottes et le blouson, ok. Le couteau aussi, ouais je te le donne. Ah c'est le tien, ah bah tu le gardes, range-le, vite. Ma femme, oui elle est là, enfin elle dort. On l'appelle, bon d'accord. Dominique. Viens voir, il y a un mec qui veut te voir. C'est un. Viens voir, vite, c'est spécial. Il veut te voir, il veut te connaître. Père Noël, voilà. Quand même brillant, cela, là, mon Gaétan. C'est brillant, brillant d'essayer un micro pendant que le public écoute une chanson de qui? De lui, là, de... Ouais, je pensais que ça faisait mieux que ça, toi, là. C'est quoi ce micro-là, là? Ben, c'est un micro-cravate. Où tu l'as mis ta cravate? Elle est morte, oui. Regarde, on m'a dit qu'il y avait un buffet. Et puis, j'ai attendu le buffet, puis dans le buffet, il y avait pas de buffet, puis de buffet en buffet, et l'aventure à l'aventure, le train en train de bon rapport, le même de jeu, j'ai brillé encore. Mais l'aventure en aventure, le train en train de bon rapport, j'ai plus oublié encore, mais l'aventure. Ouais, mais c'est pas le... Lâche-toi pas de même, toi, là, là, là. On est même pas le 25, et à peine le 24, et même toi le 21, mais nous sommes le 21, nous sommes, ouais. T'es pas tenable, t'es pas évitable. Je savais, ça fait 3 semaines que je te prépare mentalement, là. Je dis réal. Ben beau, j'ai essayé des messes noires, des messes jaunes, des messes vertes. Père Noël noir, ça fonctionne pas avec toi non plus, là. Je suis au désespoir. Je te le dis. Je suis malade. Complètement malade, comme quand tu sortais la bûche le soir et tu rentrais la dinde avec. La dinde avec? Oui, monsieur, la dinde avec. On vient de changer les hein? Avez-vous senti la modification? Modification? Modification? Non, vous n'avez rien senti? Oui, mais hein, j'avais la trip en bas qui montait vers la gauche. Ah, ça monte toujours vers la gauche. Je veux pas que ça monte vers... Non, jamais. Je coupe la droite. J'en ai plus, moi. Je demandais à mon médecin, enlève-moi tout ce qui est... comment t'appelles ça, donc? L'angle mort droit, là. Je veux pas l'avoir l'angle mort. Ouais, mais il m'a dit, écoute... l'angle mort, là, c'est pas juste la gauche puis la droite, je sais, c'est pas juste la gauche, c'est aussi la droite, puis c'est en haut, c'est en bas, l'angle mort, c'est ce que tu vois pas. Mais moi, je vois tout, moi, là. C'est pas parce que mes yeux captent pas que mon corps ne sent pas. Regarde-moi les cheveux, là. Penses-tu que je les ai aussi longs que ça pour rien, là? C'est ridicule, cette coupe-là, là. C'est ridicule, mais ça comprend tout, ça capte tout. Ça se sent dans tout. Ça se sent dans tout. Ça se sent dans tout quoi? Dans tout mon être. Quand les gens rient derrière mon dos, je le sais. Pas besoin de dire, ben, arrêtez de me regarder mon gueule, moi, je le sais. J'ai acheté des cadeaux. Des gros cadeaux. Plus j'aime pas, plus c'est gros. Plus j'apprécie, plus c'est petit. Alors, j'espère que ce soir, vous n'avez absolument rien reçu de votre anal gagné, puisque je vous adore. C'est un beau cadeau. Non, non. Comme à l'école, surtout devant mes parents à l'époque, simplement, dans mon cœur d'enfant, je croyais que leur réciter un poème, leur chanter une chanson, était pour eux un beau souvenir. En ce 21 décembre 2012, public, auditeur de CKRL, amateur d'errance rénaldienne, ou si vous venez de me prendre comme ça en passant, là, écoutez, restez là. La semaine prochaine, c'est autre chose. C'est encore moins, mais c'est autre chose. Dans deux semaines, c'est encore moins, mais c'est autre chose. La semaine dernière, c'était autre chose. Puis ce soir, là, c'est ça. Rita, le monsieur, on comprend pas. C'est-tu normal que ce soit? Mon intelligence se cache dans le désespoir. Et monsieur, t'as le... Oui, moi, mais... J'ai crié depuis deux semaines, là. Oublie pas la dinde! Oublie pas la dinde! Ma femme courait de tous les sens. Arrête mon dindon! Je connais le torchon! J'ai quand même bien pris, moi, là. Je me suis... À l'intérieur de moi-même, le torchon, c'était pas moi. C'était le torchon. Le torchon au sens propre, pas le torchon au sens figuré. La vie, c'est ça, un sens propre, sens figuré, difficilement compréhensible. C'est la mesquinerie, pas la mesquinerie. Parce que moi, la moleskine, c'est autre chose. Là. Mais la mesquinerie, c'est un truc qu'il faut comprendre, saisir, voir, mais ne pas tenir compte. Pas facile. Mais la vie, en général, ça ne l'est pas vraiment. Mais le savoir, c'est beaucoup. C'est un pas devant. Un pas devant, deux pas derrière. Un pas devant, deux pas derrière. Un, deux, trois, cha-cha-cha. Un, deux, trois, cha-cha-cha. Un, deux, trois, son. Où sont les sons? Son sans souci, sans. Un, deux, trois. Dans l'évolution, on vous enseigne l'histoire d'Adam et Ève depuis des lustres, des lumières. Quoique Georges Méliès, les frères Lumière, les inventeurs du 7e art, du cinéma, ne le savaient pas. Que l'évolution... Non, on ne savait pas qu'il faisait partie de cette émission-ci. Du 21 décembre 2012, c'est un cadeau. Tu m'as monté un beau cadeau, comme la semaine dernière. Hein? C'est... Dans l'évolution, on vous enseigna l'histoire d'Adam et Ève. Mais il fallait plutôt vous relater le mythe véritable, celui de Gaétan et d'Ève. Très important. On nous encage des affaires dans une société. On veut pas nous froisser, on veut pas nous voir menaçants. On le sait, là, il y a quelques mois, ce qui s'est passé ici, au Québec. Là. C'est pas tout le monde. C'est une strate. C'est un microcosme d'individus qui se sont présentés devant les médias du monde, pas juste les médias québécois, les médias américains, états-uniens, le monde entier était greffé sur nous. Rita, Excuse-moi, ma belle Rita, hormis parce que c'est lui qui, c'est elle qui écrit les textes d'Arrête, à part la Russie, moi, là, ma petite chérie, puis je crois que toute la Chine, le Japon, tout ce qui est tout ça, là, c'est Japon, Chine, Orient, oui, Occident, peut-être un peu moins. Les journaux Occident. Déjà là, si les Orientaux s'intéressent à nous, je peux même pas les lire. Je suis comme un Québécois moyen devant un journal, je me fie à l'image. Hey, c'est le beau journal, le journal, avez-vous reçu le journal? Oui, j'ai le devoir. Non, le journal, j'ai le soleil. Non, j'ai la presse. J'ai le Globe and Mail. Non, jamais le Globe and Mail. Je suis en anglais, jette-moi ça, brûle-moi ça, toi. Non, je demande simplement le journal le journal d'ici. On n'a pas le journal d'ici, nous, là. Parce que c'est pour les images. Il y a tellement de belles images. Et quand je vois mes politiciens là-dedans, ah, oh, ils sont beaux, ils sont tous propres, hein, toilettés, habillés, décochonnés. Le propos, moi, je lis pas ça, moi, le texte, puis je me fie à l'image, moi. L'image, comme disait Brébus, l'image aux mille mots. Ça me donne des maux de tête aussi. Hein, je suis un ancien photographe, moi. Je faisais des photogrammes pour les gens qui avaient des difficultés oculaires. Je grossissais l'image. Je l'amenais à son summum, c'est-à-dire dans une infinie grandeur. Ben, en fait, plus je rapprochais, là, plus c'était grand. Là, ils m'ont dit, hey, toi, t'es un véritable chercheur. Tu veux nous falsifier la vie? Fariner. Les petits pâtés sont-ils farinés? Sinon, ça va coller, là. Mais pas trop de viande, mais pas de croûte non plus. Oui, mais à peine. Moi, j'aime pas ça de la croûte. Ah, c'est dur sur la prothèse. Puis, j'ai pas mis beaucoup de colle à soir. Ah non, je t'ai rendu au bout du rouleau, puis du tuyau, mais enfin, du bâtonnet, comment t'appelles ça, c'est du tube, j'étais au bout du tube, pas cathodique. Là, elle m'a dit, hey, il va avoir Roland, Ghislaine, Gaétane, toute la panoplie des races rénaldiennes, puis des petits potés à viande, comme on n'a pas budget, on n'a pas beaucoup mis, à la place de la viande, on a remplacé ça par... Ça te dérange pas, toi, là? T'es pas arienne? Non, je suis pas arienne, moi, là. Je suis extraterrestre. Ah, ça me rassure. Ça me rassure. Parce que dans l'évolution, là, Gaétane et Ève s'aimaient tout le temps. Puis là, vous allez me dire comment deux femmes ont pu avoir des enfants. Mais c'est facile. C'est facile. Les cigognes. To Broadway, to Cincinnati. Don't get icky with the 1, 2, 3. Life is just so fine on the solid side of the line. Bip, hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. For the Yakasaki wants some seafood, mama. Shrimps and rice, they're very nice. Hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. For the Yakasaki wants some seafood, mama. Shrimps and rice, they're very nice. I like my tasty butterfish food. When I come home late at night, I give my favorite dish. Fish, hold tight, hold tight, hold tight, hold tight. For the Yakasaki wants some seafood, mama. Shrimps and rice, every dish. Merci, Michael Jackson. Puisque c'était Michael Jackson. À quoi bon, c'est vrai. Jackson 5. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Aujourd'hui, le vendredi 21 décembre 2012, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du musicien Freddy Della. Freddy Della, né le 15 juin 52 à Alger, est un chanteur et harmoniciste français. Il est né en Algérie en mars 45. Et puis, est-ce que tu me prends le... Do, ré, i, non, c'est mi. Do, ré, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Mi, sa, ma, mi, mi, si, ma, ma, mi. Do, ré, mi, sa, mon, ma, ma, mi. Do, ra, fa, si, do, li, fa, si. Efface tout cet espace-là pour revenir à ceci. Do, ré, la, ma, do, si, ta, lo. Ramoni, sa, li, ma, ni, sa. Romani, le, romani, l'un. C'est pas très beau, l'un? L'un, ça sonne comme ballon. On n'aime pas ça, des ballons, ici. On préfère des ballons. On part en voyage en ballon dirigeable. On part en voyage en ballon dirigeable. En ballon. Oui, cette année, Éric Chardin nous a quittés. Hein. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du musicien Freddy Della. On l'a dit, Freddy Della, vous le savez, il est né le 15 juin 52. Il a connu l'harmonica à l'âge de 5 ans. Son papa, commissaire de police de son état, est grand amateur de percussion et amena le petit Freddy à se coltailler avec ces musiciens-là. Freddy devient alors l'un des plus jeunes et les plus doués harmonicistes à l'âge de 5 ans. Freddy Della a accompagné, enregistré, collaboré et partagé la scène, entre autres, avec son talent harmoniciste et batteriste. Non, c'est pas batteuriste. C'est en fait un joueur de batterie puis joueur d'harmonica. Puis, excusez-moi. Je voulais pas non plus vous déranger, madame. Vous faisiez quoi? Moi, je tourne la tourtière. Ah, mon Dieu. Je labeure. Oui. Et c'est du dur labeur de labeurer. Ah, vous trouvez que... C'est pas facile. Non. Il y a rien de facile. Non, mais ça risque d'être très bon. Ça sent bon. Ça sent très bon. Sauf que je l'ai pas encore mis dans le four. Non, juste l'odorama, là, me palpille la pupille. Alors, donc, Freddy Della accompagné et enregistré avec Frank Langhoff, Antoine Renaud qu'on a entendu tantôt, là, dans Petit Papa Noël, c'est lui. Serge Gainsbourg. Annie M. C'est lui, ça. Et Vanessa Paradis. Tour le taxi. C'est lui, ça. C'est elle, ça. Est-ce que Vanessa, c'est elle ou lui? Oh, bonne question fondamentale. Faudrait se pencher. Ah oh non, oui, je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai un lambago. Ben voyons donc, pas ce soir. Ben, je choisis pas d'avoir le lambago, moi, là, ça vient ou ça vient pas, c'est là ou c'est pas là. C'est pas une maroonnée, moi, là, c'est pas des maladies qui viennent de mon cerveau, c'est des maladies qui viennent de mon corps. Mon corps m'appelle et je l'écoute pas. Là, j'ai tout coupé, j'ai bloqué les appels de mon corps vers le cerveau. Il continue de m'appeler. Comment ça, non? C'est quoi ce cellulaire-là? C'est écrit bloquer l'appel, puis ça sonne tout le temps. Hey, mon cœur, là, comme il fait de la caricature. Ben non, c'est de la cachycardie. Hein? On m'avait dit c'est de la caricature. Ben non, c'est un cœur qui va trop vite, qui bat trop vite, oui. Mais c'est de la cachycardie. OK. Fait que même lui, là, il veut pas s'arrêter. Je dis, qu'est-ce qui va me rendre un arrêt final? Il y a deux affaires, là. Il y a souhait, je te le souhaite pas, là. Surtout pas. Pas le 21. Pour tes proches, toi, ça te dérange pas, mais tes proches, pas toi, pas maintenant, pas là. C'est soit ça, là. Quoi? Mais c'est ce que je veux dire, là, mais dis-le. Ben, je... Hey, il fait beau, hein, pour un 21 décembre, le vélo, il y a un peu de neige, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Ça surgit de partout, quoi, ça? Les insinuations, je veux pas dire, ben, vas-y, non, je veux pas dire, va pas dire quoi? Ben, ce que je veux dire, ben, dis-le pas, ben, ok, merci. Alors, donc, on dit que, en juillet 2012, Errance Renaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet homme lumineux et rempli de passion. Un voyage chargé pour cette nuit hivernale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui! Mi amayo, we're gonna go down the river, down the bayo. Oh, my heaven, this is swan, mi amayo. Oh, son of a gun, we have been on the bayo. Oh, John, my love, go to the Bible, go. Cause now I wanna see a Jeremy. Oh, big guitar. lost now, and I see my Jeremy. Oh, big job, big job, I'm gay. Oh, son, I can we have it fun on a bike. Oh, son, I can we have it fun on a bike. Oh, son, I can we have it fun on a bike. J'ai repris aussi Touch the Time. Ok. J'ai repris ça. Instrumental. J'ai repris Hound Dog, mais chanté. Ah oui. Mais version, moi, avec l'harmonica dedans, il n'y en a pas. C'est mais ça, très, très rapide, et pas comme. Avec les harmonicas. J'ai fait ça, j'ai fait aussi That's What Mama. Là, pareil. Avec l'harmonica qui rentre dedans. Et le disque sera disponible quand? Ah ben là il va être fini et on va le sortir pour le. Je vais le sortir pour le mi. Avant le mi-août parce que je m'en vais jouer on est le 17, 18, 19 à Bain-de-Bretagne. En Bretagne, un grand festival. C'est un très très gros festival. Et vous voulez que l'album soit préparé? Oui, parce qu'on le vend là-bas. Oh oui, c'est ça. Et les gens qui vous ont vu en spectacle veulent avoir. En vendent beaucoup, lui, c'est lui qui est chargé de ça. C'est pas de bras droit. Oui, ça c'est mon homme de confiance, c'est mon ami. C'est bien. C'est un personnage aussi. Oui, oui, ben, j'ai pu parler. C'est un très grand personnage. Oui, oui, oui. Oui. Et vous êtes donc, avec depuis 4 ans. Voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et puis, oui. Puis lui, Lulu, pour que je joue, moi, je ne peux pas faire confiance à n'importe qui. Non, c'est ça. Et lui, il a beaucoup de bagou. Okay, il est très avenant. Il vous prépare l'entrée. Il parle plusieurs langues. Il est festif. Il adore la musique. Ah ben oui, il adore la musique, le spectacle. Il vous prépare l'entrée, donc vous êtes la vedette qui va... Ah non, mais voulez-vous que je règle, ça me dérange non, pas. Non. Tiens, combien? Attends, bouge pas, on va changer de crèmerie. Tiens, j'ai autre chose, attends. Non, mais voulez-vous que je règle? Mais non. Pas de problème. Comme on dit, l'argent, il faut le prendre où il est. Oui, mais quand il est là, c'est toujours quand il est là. C'est... Non, moi, ça me fait plaisir. Ben, vous êtes tellement gentil, mais là, actuellement, vous travaillez uniquement sur votre carrière, vous... Je vais vous expliquer. Oui. Moi, c'est particulier. Je travaille, je dis pas que je travaille. Déjà, je ne travaille pas. C'est à moi ou à vous? Mais mon dos, vous l'avez déjà... Déjà, je ne travaille pas. Je fais la musique, je m'adore. Mais là, vous avez abandonné votre autre travail. Non, j'ai une boîte. J'ai une boîte. Okay. J'ai une boîte de publicité que c'est mon fils s'en occupe. C'est mon fils qui s'en occupe. C'est alors lui. Vous êtes partout? Ah non, mais non, là je suis là. Avec vos enfants. J'ai qu'un garçon. Ok. Il travaille pour vous. Il travaille pour lui. Il est marié. Mais c'est sa boîte. C'est pour lui. Hein. Okay, c'est moi. Et là, vous faites uniquement de la musique, vous consacrez à la musique. J'ai pris, comme on dit. Oui. Voilà. J'ai fait toute une carrière en parallèle. Ouais. Pas devant la scène, ni médiatiquement, mais une énorme carrière, plus que n'importe quel artiste qui est là, n'importe lequel, puisque j'ai la même carrière que Johnny, ouais. Mais ou que les autres, mais même encore avant eux. Ouais. Mais je n'ai pas été médiatisé, moi. Okay. Mais j'ai commencé avant eux. Et je n'ai jamais arrêté. Okay, c'est ça. Jamais. C'est ça. Vous faites votre chemin à votre mesure. C'est pour ça qu'il est là, c'est pas moi qui me le dis, c'est quand on me découvre, on dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Comment ça se fait? Voilà, c'est pas moi qui parle comme ça, c'est tout le monde. Oh oui, mais c'est le bouche à oreille. Dès qu'on me voit, on dit mais pourquoi il ne voit pas la télé? Mais qu'est-ce que c'est? Comment? Qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène, comment? Voilà. Puis elle est rentrée chez elle dans son vieille chambre de miel. more money, I chew more sugar. Ready, gonna ready, get go, get go. But don't you step on my blue suit shoes. I do can do anything, that's the my blue suit shoes. Sitting on my breast and over my hemming and over the place. I do want to think on the body to do, but holy old man, shoe, but don't you step on my blue suit shoes. I need to do what I say, that's the my blue suit shoes. Let us start. I see the coming of the baby in the water, the shaking of the heart. Oh baby, water, the shaking of the heart. Sit down. I did shake me on the baby shake. I did shake me on the baby shake. I did shake me on the baby shake. I did shake me on the baby shake. Come on home, water, the shaking of the heart. Shoot the booty, I wanna do that. I shoot the booty, I wanna do that. Shoot the booty, I wanna do that. I shoot the booty, I wanna do that. I shoot the booty, I wanna do that. I walk up and look out the door. Don't want up the baby in the bowl, out of shake it, gonna home. I just come on up the baby in the bowl, out of shake it, gonna home. Oh baby. Water and the shake it, go to home. You gotta help some proud tonight. You gotta help some proud tonight. You gotta help some proud tonight. You gotta help him feel alright. You gotta help some proud. Help some proud tonight. Look at all day. Pas moi qui dis. Non. Et vous vous sentez complètement abandonné lorsque vous faites. Non, je me sens pas abandonné. À la limite, je. Non. Mais lorsque vous faites des chansons, vous vous sentez bien, vous sentez. Ben, ouais, oui, dans je votre me sens. Ben, voilà. Et... Donc j'écris mes trucs. J'ai plein de chansons. J'écris en français. Je fais les musiques. Ouais. Et les textes. Étant donné que je suis déjà mélodiste. Ok. Bon. Et que je suis batteur. Donc j'ai les deux éléments. J'ai la mélodie et la rythmique. Vous êtes un homme orchestre. Donc dans la tête, c'est partout. Ça se met en place. Et alors après, j'ai mon guitariste préféré, avec qui je travaille, qui s'appelle Dominique Garrio. C'est un phénomène aussi guitaristique. Et qui reste dans votre... Et qui bosse avec moi. J'ai deux guitaristes. Okay. Qui sont des grosses pointures tous les deux, mais qui ont un jeu différent. Ok. Ils n'ont pas le même jeu. Mais donc vous les avez rencontrés où dans votre travail? Ah bah ça fait longtemps, okay. Hein, longtemps que je travaille. Ils travaillaient avec moi à l'époque de Franck Langolf et tout. Okay. Dominique. Ah, okay. C'est des vieux potes. Donc c'est des grosses pointures. Oui, mais c'est des amis d'enfance. C'est vrai. Donc d'ailleurs moi je ne dis jamais mes musiciens. Okay. Parce que je ne veux pas, je le dis même sur scène ça. C'est les musiciens. C'est pas mes musiciens, c'est mes amis. C'est okay, des, okay, parce que okay. C'est des stars plus autant que moi. Et personne n'appartient à personne. Non, on peut pas dire. Oui, mon batteur, mon. c'est prétentieux. Et vous êtes contre la pétanque. Merci à eux de jouer avec moi. Ah, c'est bien. Voilà. Si c'est d'humilité, il y a un peu. Mais c'est d'humilité. Ah ben non, mais c'est... C'est ça la vie, hein. Restez simple. Quoi, j'en vois plein. Oui, mon guitariste. Non, mais, je... mais ce qui est formidable, c'est que lorsque je discute avec des gens qui vous représentent, ils sont enchantés de ce que vous faites. Vous leur donnez un état euphorique, une joie de vivre. Et ça se sent en leur nom. En fait, lorsqu'on discute de vous, ils sont illuminés. Donc, vous êtes quand même éclairci. Tant mieux, ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça. Ah, mais vous êtes une éclaircie dans leur vie. Vous êtes, tant mieux. Vous êtes quelque chose. Est-ce que vous savez? Non, je ne sais pas, mais comme le dit, ben, c'est bien. Mais vous, en jouant de la musique, vous ne voyez pas les gens, le public. Si, je vois qu'ils sont heureux. Mais ouais. Bon, c'est pour ça que j'ai ça, pas de musique. J'ai pas d'horaire à un moment. Oui. Les réflexions, c'est... Oh là là, okay. Va falloir le... Ok, vous êtes dans l'action et non pas dans la réflexion. Va falloir... Il dit arrêtez parce qu'il va, il s'arrêtera pas. Je me fais... Ok, okay, vous avez quelqu'un qui vous remet, là. Hein, Lulu? Au moment où il faudra le battre. Dis, il faut qu'il s'arrête. Est-ce que sur scène, vous êtes le type qui... Oui, oui, c'est très dynamique, très... Vous discutez avec votre public? C'est, oui, je pars... sur scène, je vis. C'est-à-dire, je suis une vraie pile électrique, déjà par nature. Okay. Et moi, je monte, je joue dans le public, je descends de scène, je joue dans le public, je remonte, je redescends. Alors, vous êtes partout? Ah oui, vous êtes, j'adore un peu comme Mick Jagger, voilà. Vous descendez... Je vais toujours dans le public. Je joue, j'ai les musiciens, par exemple, là-bas, qui jouent, et moi, je joue l'harmonica ici. Okay. Accompagné par eux. Vous voyez les gens vibrer, donc vous le sentez, vous êtes avec eux. Sans qu'on se regarde, sans rien du tout. D'ailleurs, il vous enverra des photos, j'espère. Ben, je vais le voir dans la vidéo, ouais, ça va voir le film. Mais il y a des photos dernières du festival-là où je suis descendu, je danse avec une dame. Elle est... What do you think you're doing? What? I'm reading A Christmas Carol. Wow, since when did you learn to read? Oh, don't start with me. Whoa, don't start with me. We were supposed to visit my parents in Mineola. But no, we have to have a Christmas party for your friends. My friends? Yes, your friends. What about your friends? I don't have any friends. You're right. You're right. Because you don't know how to make friends. Merry Christmas. I don't want to fight you. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight with you. I'll wear a Santa and a sleigh and tell her why is it always this way. Where is your... flottait dans son pantalon. De là lui venait son surnom, beau joli culotte. Il n'y avait qu'une cinquième année, il savait à peine compter, beau joli culotte. Comme il baragouinait l'anglais, comme gardien de nuit il travaillait, beau joli culotte. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue, beau joli culotte. Un jour quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, beau joli culotte. Les Anglais avaient les bonnes places et qu'ils lui riaient en pleine face, beau joli culotte. Il n'a pas cherché à connaître le vrai fond de toute cette affaire, beau joli culotte. C'est son élite, c'est son clergé, depuis toujours l'avait trompé, beau joli culotte. Il a volé de la dynamite, puis dans un quartier plein d'hypocrites, beau joli culotte. Il a fait sauter un monument à la mémoire des conquérants, beau joli culotte. Tout le pays s'est réveillé, et puis la police l'a poigné, beau joli culotte. On l'a vite entré en dedans, on l'a oublié depuis ce temps. Beau joli culotte. Mais depuis que tu t'es fâché, dans le pays ça a bien changé. Beau joli culotte. Nos politiciens à gogo, quand les braves font les pharaons. Beau joli culotte. Ils réclament enfin tes droits, et puis les autres refusent pas. Beau joli culotte. De peur qu'il y en ait d'autres comme toi, quel goût de recommencer, beau joli culotte. Quand tu sortiras de prison, personne voudra savoir ton nom, beau joli culotte. Quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié, beau joli culotte. Beau joli culotte. Rire un petit mot, chemin faisons notre homme. Recouvre lentement la forme. Ça tombe bien, le langevin. On reste pas d'une vie. Et les blancs au comptoir m'en prennent que Flipper. Là, faut que j'arrête. Ghostline. Oh, ben, le Robert. Dites derrière. Stop, pas de suite. Monte. Ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego. Oh, là, faut que je me pousse. Boy, à droite. Faut vraiment que j'y aille. Monte, droit. Ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego. Porte-le! Au menton bus! Porte-le! Au tâton bus! Porte-le! Au ventribus! Porte-le! Au sexibus! Porte-le! Au piétibus! Porte-le! À multiplus! Ego! Ego! On va être capable! Ego! Ego! C'est pas une maman! Ego! Ego! Garde-moi le nom! Ego! Ego! On dit ça bien! Ego! Ego! Let's go man! Ego! Ego! L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons le chemin narratif et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Qui ça? Rénal Gagné. Qui ça? Rénal Gagné. Là, ici, maintenant, attribuons la... Qu'est-ce que c'est ça? Oh non! Oh, on me fête ce soir! Salut, merci. Bonhomme, salut, oh, merci. Bonhomme. Salut le bonhomme carnaval. C'est pas le... Ne me tournez terminé pas. Le bouffe d'enfant du matin. Oui, c'est pas le... Salut bonhomme, salut bonhomme. Wouhou! Salut bonhomme, salut bonhomme. C'est toi le roi, bien du bonhomme. Vive notre bonhomme carnaval. Mais, wouhou! Tu mets la gaieté dans ma vie. Par toi l'hiver est fabuleux. D'accord. Lorsque ton cortège défile, on t'acclame à la queue. Salut bonhomme. Merci. C'est pas le bonhomme carnaval. C'est Errance Rénaldienne. C'est CKRL. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Frank descendit par l'escalier. C'est quand même bien parce qu'il n'y a pas d'ascenseur, là. Au sixième étage, il y a le balcon. Puis s'il sort pas par le balcon pour se tirer en bas, ben oui, il y a l'escalier. C'est quand même un choix plus facile. En fait, c'est la plus... la moins dangereuse. Hein? Quand tu me dis « Veux-tu marcher? » ou prendre une motocyclette sans casque et frapper le mur. C'est pas trop compliqué. Oui. Je lui demandais à Rita, là, puis elle m'a glissé à l'oreille. Elle a dit, hey, vas-y pas! Mais elle a glissé, elle m'a craché dans l'oreille. Là. Hey, c'est... Mais c'était bien parce que j'avais de la cire d'abeille. Non, c'est de la du sirène. Elle m'avait déchiré le tympan. J'avais très bien compris ce qu'elle m'avait envoyé comme divulgation, comme proposition. Mais merci, mais moi-même, dans mon esprit, là, moi, j'ai le petit diable, puis j'ai l'ange. Puis le petit diable était plus petit, puis l'ange était gros. Fait qu'il a mangé le diable. Fait que depuis ce temps-là, mon ange a le diable, ça n'a pas de bon sens. Il danse, il chante, il crie. Je dis, c'est peut-être le 21 décembre qu'il l'amène comme ça, là. Ça ne prend pas grand-chose, lui, là. Tu dis, bonjour, mon ange, il est parti. Tu vas pas lui faire plaisir, là. Juste pour lui, s'il vous plaît. On peut-tu faire chanter la petite chanson? Salut mon ange, il aime ça, même si c'est pas l'occasion. Si c'est en dehors du contexte. Si c'est pas dans le propos. Oh, hein? OK. Yeah, Raymond, tu veux? On y va. Il fait plaisir. C'est merveilleux. Ah, regarde-moi le sourire, le grand sourire, comme un salut député. Salut bonhomme, salut bonhomme, salut le bonhomme carnaval. L'homme tourné comme une apparence, l'homme au pédo monumental. Salut bonhomme, salut bonhomme, salut bonhomme, salut bonhomme. C'est toi mon homme, bienvenue bonhomme. Bonhomme carnaval, oh, c'est l'hiver, une gaieté dans ma vie. Par toi l'hiver est tout heureux, lorsque ton cortège défile. On n'arrête pas, hein, on y va. Hein, avec ses genouilles, on y va. Salut bonhomme, salut bonhomme, salut bonhomme carnaval. Quand tu parais comme moi, le vieux Québec est joli. Salut bonhomme, salut bonhomme, salut bonhomme, salut bonhomme. C'est toi le roi, bienvenue bonhomme. Vive notre bonhomme carnaval. Au bras d'une charmante reine, une belle peau de fête en bas. Que c'est une aubaine, oh, c'est une aubaine d'avoir de d'être le bonhomme carnaval. Un, deux, salut trois. Bonhomme, salut bonhomme, salut bonhomme, salut le bonhomme carnaval. Le sobriquet comme le nomme a pour nous un cachet royal. Salut bonhomme, salut bonhomme. Il y a scrunchie dans l'oreille, hein. Salut bonhomme, salut bonhomme. C'est toi le roi, bienvenue bonhomme. Vive le bonhomme carnaval. Oui, le bonhomme carnaval. Ok, c'est fini. Frank descendit par l'escalier. Puisque Bonnie était là, au centre du boulevard, avec Clyde Burrow. Il faisait chaud. C'était l'été. Juillet s'épanouissait sous les feux d'artifice. J'ai pas le serpent de tantôt, oui. Frank était toujours propre. Toujours en sa possession, en une possession qu'il était... il était quoi? Il était en possession. En possession de quoi? Du démon qui se cachait en lui. Et plus il se cachait en lui, plus il démontrait qu'il était démoniaque. Gnac, gnac, gnac. Où est le cognac? Hein? Ah non, c'est Frank qui... ouais? Non, c'est pas du bus. Ah non, c'est le... Non, c'est pas le... Il est pas humoriste, lui, là. fait pas rire, le Frank du... Non, c'est le vrai, le gros Frank. C'est le Frank. Ouais, c'est celui-là, là, qui bûche des bûcherons. Qui frappe des bûcherons. Qui chante des chansons. Et qui colporte. Des messages d'amour. Ça y va pas très bien. J'ai dit, Frank, lâche les chansons d'amour, là. Toi, t'es dans rock and roll. Toi, t'es dans la sensation de la musique puissante. Commence pas à faire comme Scorpion, là, et puis tous les groupes qui fonctionnent plus, Boston, puis Pink La Floyd, Ozone de l'Oise, et La Pantoise. Non. Toi, contente-toi d'être toi-même. Monte sur une scène, puis déchire-toi devant le public. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire par me déchiquer devant le public? Il y avait une voix assez étrange. Je lui ai dit, prends pas cette voix-là. Là. Je sais pas, quand t'es sûr de toi, là, tu te modifies. Là. Ben, je me modifie. Mais tu veux dire ça, je veux m'en dire. Comme ça, j'aime ça. Reste de même, là. OK? Non, reste divagant. Reste comme la terre de glaise. Non, comment t'appelles ça, là, l'eau qui... ça peut, les gens dans le désert, là, ils descendent, c'est du sable mouvant. Reste dans le sable mouvant, merci. Hey, t'as cherché ça combien de temps? 2h15. Aux heures, il est quelle heure? Il est l'heure de la chanson. Just between me and Alors, il y a beaucoup de trucs marrants, quoi. Moi, j'adore le public. Je suis à l'aise partout. C'est-à-dire là, tout de suite, là, je joue ici tout de suite, sans problème. Oh, ben, vous avez au bout de d'un quart d'heure, il y aura pleinement. Pleinement, si je commence à mettre... Bon, voilà. Mais moi, ça me... Non, mais c'est ça, la magie. Hein. Voilà. Les gens, ils écoutent tout de suite. C'est... Faut que le feu ici tout de suite. Les gens sont tenus de lui. Les gens sont ok, merci. Donc, il n'y a aucun problème. Oui. Tout va bien. Oui. Mais voilà, moi mon truc c'est ça. Donc là, on a fini cet album. Et donc là-dedans, dans cet album, il y a une chanson. Il y a deux titres. Dont un instrumental. J'ai fait en l'honneur d'un gars que j'aimais beaucoup, qu'on appelait le cow-boy chanteur à cheval, c'était Joe Silver. Oui, que je connais. Oui. Qui est mort. Oui, j'adorais ce mec-là. Oui, malheureusement, oui. Et il a fait un titre qui s'appelait The Wanderer. Oui. Que Mathis, une chanteuse qui chante comme... comment elle s'appelle? Je ne vais pas dire... Américaine? Non, une super... Ça ne va pas me venir. Elle s'appelle Mathis. Okay. Elle a une voix magnifique. Ah, tu vois. Ouais. Comment c'est la grande chanteuse de country de folk, Dolly Parton. Non. Hein? John Baez. John Baez, ah oui. Bon. Ah oui. Alors, elle a la voix. Alors, elle avait chanté cette chanson. Et moi, je l'ai repris pour en honneur à ce gars-là, à Joe. Ouais. Et je l'ai fait en instrumental, juste avec un électroacoustique, ni batterie, ni rien. Ça fait ça. Tu vois, ça fait c'est ça. Bon, c'est bon. Mais il faut appuyer, je veux pas jouer fort. Parce que... Mais c'est... c'est la beauté. Hein, c'est... Et après, c'est très... comment... Valse lente Boston, tu vois. Ok. Et ça, vous le faites sur scène? Ouais, va le faire. Ok. Alors ça, c'est un titre instrumental. Et j'ai écrit une chanson qui est un peu mon image. C'est Johnny Lennon, ça s'appelle. Je suis ni Johnny, ni Lennon. Ni Lennon, ok. Voilà, elle est très très belle chanson. Johnny Lennon, ok. Très très belle chanson. Et vous écrivez à quelle fréquence? Régulièrement? Oui, ou, oui. Je suis très productif. Très. Je ne m'arrêterai jamais du studio. Je sors de ce disque-là, je vais rentrer pour faire un nouvel album. Okay. J'ai écrit plein de chansons en français, c'est accès super. Mais ça n'arrête pas. Alors, ben oui. Rien n'arrête. Je suis ni Johnny ni Lennon. Non, oui. Voilà, c'est ça. Voilà, je suis moi. Je voudrais que ma musique vous sonne. Ben, elle sonnera. Mais que restera-t-il de moi qui ne suis que du vent dans un harmonica? Voilà le truc. Oh, c'est beau. J'ai soufflé dans les églises, la vie en rose pour Pierre, Paul, Lise. Mais que restera-t-il de ça que du vent dans un harmonica? J'en ai écrit des chansons, des tristes, des gays, des bidons. Mes blouses provoquant parfois la loi. Oui, j'en ai soufflé des thèmes, des tristes, des blues de bluesman de je sais plus, tu vois, que restera-t-il de ça que du vent dans un harmonica? C'est une très très belle chanson, très belle mélodie. Et... Alors vous êtes inspiré souvent? Bah oui. Vous êtes inspiré par ce que vous entendez? J'écris des trucs, voilà, j'ai écrit par exemple sur le Solex, le vélo Solex. Oui, ah oui, ok. J'ai fait une chanson qui marche très très fort, très très fort, elle est belle ma moto, c'est pour le Bikers, pour Harley Davidson. Ah ok, ah oui. Ah, mais c'est une véritable, c'est une histoire, c'est pas une invention. And breeze, because it's almost Christmas Day. A little beep can always go such a long way. There's something about the way you spent your Christmas. There's something about the way you care. Something about the way you care. A little bit of a long way. A little de biens. Il possède des magasins d'objets noirs et de choses carrées. Il est sujet aux rhumes en été. Le dimanche, avec ses amis, il fait des parties de rami. Ils boivent le vermouth et la bière en parlant de Madame Robert. Et moi je suis l'offre Jojo, le poisson soif, le téméraire. Je fréquente des vétérinaires qui viennent de la ville d'Oslo. Je me déguise en Claire Jiman, abominablement barbu, pour faire de l'élevage de tortues. Je prends pension chez une vieille dame. Mon frère n'aime pas les épinards, et c'est heureux pour mon frère, car s'il les aimait, il en mangerait. Il ne peut pas les supporter. Il est de nature studieuse, opiniâtre et méticuleuse, mais il ne s'intéresse guère au cas de Madame Robert. Et moi je suis l'offre Jojo, préposé aux chevaux vapeur de l'école anormale inférieure, où je fus abrégé de philo. Je lis mon journal dans le tramway, je trouve le métro détestable, je pilote des dirigeables sur la ligne Abidjan-Sydney. Ma grand-mère est octogénaire, elle aime cultiver la terre. Elle coupe de l'herbe, elle plante des pieux, elle est contente quand il pleut. Son beau-frère avait un cousin qui connaissait un Autrichien, dont la sœur, petite couturière, avait connu Madame Robert. Et moi je suis l'offre Jojo, je sors la nuit sans vin terre-prouf. Je compose un opéra pouf sur la bataille de Waterloo. Je collectionne les conifères, les escargots, les parapluies, les papyrus hindoustani, et je connais. Les blaireaux, les mulots, les charlots. C'est pas moi, c'est pas toi. C'est pas elle, c'est pas lui. C'est pas nous, c'est pas vous, c'est pas eux. Un petit peu. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous, c'est pas vous. Mais on s'en fout. On s'en fout. Il y a les belles, il y a les beaux. Les bonbons, caramel, castagnettes et tango. Mais il y a les uns et il y a les autres. Les blaireaux, les pipeaux et tous les quisacos. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas elle, c'est pas lui, c'est pas nous, c'est pas vous, c'est pas eux. Quoique, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous, c'est pas vous, mais on s'en fout. On s'en fout. We'll be right back. les autres, les titis, les marquis et tous les mon ami. Si c'est toi, c'est pas moi. Si c'est elle, c'est pas lui. C'est pas nous, si c'est vous, c'est pas eux. Tant mieux. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous, c'est pas vous, mais on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Mesdames et messieurs, nous avions parmi nous ce soir à la guitare mon ami guitariste préféré, monsieur Dominique Cario. À la basse, un grand monsieur, monsieur Conchou. Hey, au clavier, directement venu de Nashville, monsieur Jimmy. Mon pote, le célèbre Jean-Pierre Chiche, ouais. Et les plus belles au cœur, mademoiselle Marion. Et la voix du blues, mademoiselle Angelina. Et en guest ce soir, la voix de la country, mademoiselle Matt Valence. Bonsoir, bonsoir, merci. Merci, à bientôt, merci. Monsieur Freddy Della, s'il vous plaît. Monsieur Freddy Della. Les blaireaux, les mulots, les charlots. Si c'est toi, c'est pas moi. Ah si c'est elle, c'est pas lui. C'est pas nous, si c'est vous, c'est pas eux. Tant mieux. Si c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous, c'est pas vous. Mais on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Un jour, je me baladais, il y avait un banc, il y avait un mec assis sur le banc, et il avait sa moto devant, comme ça, et il l'a regardé d'une telle manière, quand je suis passé à côté de lui, je me suis dit, je suis sûr que ce gars-là, il est en train de se dire, putain, qu'est-ce qu'elle est belle, ma moto. Sur le même temps, il y a deux gars qui passaient, qui discutaient entre eux, et l'autre, il lui dit, « Ah, elle est belle, sa moto !» Et puis, il est parti. Je suis rentré à la maison, j'ai écrit, « Assis sur un bon public, je regarde ma moto. Elle est belle, ma moto. Je me la suis payée tout seul. Je regarde les gens qui passent et m'informe des dires des badauds. Elle est belle, sa moto. » Et comme les bikers, dès qu'ils descendent de la moto, ils astiquent. Et alors j'ai dit, et il se la poliche tout seul, tu vois, c'est... Alors ça, et alors le refrain, elle est belle ma moto, il dit, elle est belle sa moto, tu vois, il se la poliche tout seul. Après, elle n'a pas les yeux bridés, mais le cœur made in USA, elle est belle ma moto, hein, on impose ma moto, Et comme elle, il n'y en a qu'une seule. Et puis il y a des causes. Ah, oui, oui, oui. En passant dans la rue Baker Street, en photo, j'ai vu ma moto. Oh, c'est des nanas. Elle est belle, ben ma moto. Ben elle est belle, ben moto. Oui, en même temps, c'est entre les deux. Et équipée, ma moto, et comme elle, il y en a une, parce qu'ils équipent tout, ils mettent des matchs. Oh, oui, oui. Bon, tu sais, ah, ça devient, dis, c'est un tube. Et c'est très rock, c'est un tube. Alors tout le monde chante. Elle est belle, ben randonneuse. Ça devient délirant, ça devient délirant, voilà. Ce truc-là. J'ai écrit une autre chanson qui s'appelle C'est pas moi. Ok. On s'en fout. Voilà. Oui, c'est, oui. Sinon, on s'en fout. Parce que. Il y a les uns, il y a les autres, les blaireaux, les mulots, les charlots. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas elle, c'est pas lui, c'est pas nous, c'est pas vous, c'est pas eux un petit peu. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas nous, c'est pas vous, mais on s'en fout. Tu vois ? Alors ça part comme ça. Il y a les uns, il y a les autres, tu vois ? On s'en fout. On s'en fout, tu vois ? Il y a les belles, il y a les beaux, les bonbons, caramel, castagnettes et tango. Mais il y a les uns, il y a les autres, les blaireaux, les pipeaux et tous les quesacos. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas elle, c'est pas lui, c'est pas nous, c'est pas vous, on s'en fout. Etc, etc. J'ai écrit une autre chanson qui s'appelle « Laisse le blues aller ». Laisse le blues aller, tu laisses le blues aller, ça va aller. Hein? Ah, pour les moments doux, pour, tu vois, pour les. Laisse le blues aller, laisse le blues chanter, laisse, tu vois, etc., etc. Bon, il y a le texte qui fait, et les gens, ils chantent tout. Mais c'est ça, c'est accrocheur, donc voilà. Après la première phrase, les gens vont enchaîner parce que c'est. Bien sûr, c'est fait pour eux. C'est ça, c'est répétitif. Après, je fais laisse les blues aller. Alors, c'est vous qui animez la foule. C'est vous qui animez la foule. C'est un bon feu. S'il passe par là, on va bien lui cramer le cul. Ce gros bâtard. Santa. Ha. J'ai jamais pu blairer Noël, déjà tout petit, c'était pas ça. Je lui écrivais au gros barbu, je crois que mes lettres, il les lisait pas. Bien peut-être qu'il confondait Nintendo et Cluedo. Si je le crois ce gros bâtard, je peux dire que je lui ferai pas de cadeau. J'ai grandi cette année, me demande pas si j'étais sage. Je suis toujours pas casé, maintenant je suis au chômage. J'ai la phobie des rennes et j'ai peur des lutins verts. Les bons sentiments de ma grand-mère, je les ai vomis dans le vent d'hiver. Chaque année c'est la même, on nous bassine 3 mois avant. Bientôt on prendra un sapin avant la fin du mois de printemps. Et puis je sais pas comment tu fais pour le calendrier de l'avant. Moi j'en ai acheté 24 tellement je suis impatient. J'avoue j'ai trop la flemme, je m'y prends la veille au soir. Je me réjouis déjà de faire la queue des heures durant dans un magasin blindé. Finalement j'arrive trop tard pour la Barbie putain franche pour ma cousine de 6 ans. Petit Papa Noël, s'il te plaît descends pas du ciel. Cette fois-ci ta fête, elle est annulée. Il passe par où le Père Noël quand il n'y a pas de cheminée? On va chez des inconnus, y'a que des gens flippants comme sur un plateau de la rue. Paraît que c'est de la famille à moi, je les avais pas reconnus. La prochaine fois que je m'attrape confession intime, je manquerai plus. Ras-le-bol du saumon, au chocolat, de la dinde forêt, au ferrero, envie de vomir. Je cours vers la crèche et je crache le morceau. Désolé les rois mages, en plus je connais même pas vos noms. Je crois qu'il y a Melchior, Balthazar et Harry Potter. Je sais, je suis nul en crèche, mais je fais des efforts. J'ai sur le bout de la langue le nom du bébé qui dort. Et puis offrir des cadeaux n'a jamais été mon fort. Je suis bon qu'à les recevoir, et encore. C'est pour moi? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est quoi? C'est un cadeau? C'est une surprise? C'est une surprise, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'était un hamster. Pour me venger ces cadeaux pourris, j'offre à ma mère un Marc Lévy. C'est gentil mon chéri, mais celui-ci j'ai déjà fini. Super grand frère, un nouveau radio réveil. Je vais faire comme l'année dernière, je le range dans ma corbeille. C'est simple, il passe que chez les riches. Mère Noël pour laisser le Père Noël à mer. Mais le mercure est bas et j'ai le bout des doigts en Mr. Freeze. La vue sera belle, imprenable. Bien à l'évidence. Le chant des possibles. On chantera le chant des possibles. Le chant des possibles. On poursuivra l'homme invisible. Regards impénétrables à tolérer l'inadmissible. On atteint vite l'inexorable. On chantera le chant des possibles. On chantera le chant des possibles. On chantera le chant des possibles. Le chant des possibles. C'était 22 heures à peine ce vendredi-là. C'était veilleux de Noël et pour fête et saint. Il s'en allait chez Madeleine près du pont de l'Allemagne. Elle aurait eu tant de peine qu'il ne vienne pas fêter Noël. Fêter Noël en smoking de velours vert, en col roulé blanc. Et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents, à pied il longe à la Seine tout en sifflotant.

OK, je demanderais juste pour savoir. Non, non, mais ça, c'est intéressant, là. Tu viens dire quelque chose là, qui me titille le cheveu. Tous les gens qui m'écoutaient, là, et là. Et puis, au fond, là-bas, là. Dans les mésanines, comment t'appelles ça? Dans les le film de pas de René Clair, là. Oiseaux, les enfants, le balcon s'en va. En tout cas, au! Au, au, au, au! Arrête de t'envoler, toi. Au! Tu vois là-bas, tu l'as fait déjà. Mais les enfants du balcon, voyons donc, le grand film là, français. Ah, j'ai une formation en création littéraire, en cinéma de revue. Les balcons, les enfants du balcon. Les enfants du balcon qui se cherchent le torchon, qui se lèvent le drapon. Quand je vais l'écouter, je vais le savoir, là. Puis là, je vais me dire, colonialiste! Homme de peu de connaissances quand tu es devant les auditeurs. Ça me revient, là, ça me revient et ça repart. Ça part pas. Mais en tout cas, bref. Le balcon, c'est quoi? Les enfants, les balcons. Les enfants des oiseaux. Oh, avec le même Marceau là-dedans, là. Monsieur, les enfants sauvages. Non, c'est François Truffaut, c'est les enfants sauvages. Cette semaine, et ça, jusqu'à... Bon. En tout cas, tous les gens qui m'écoutaient actuellement, là. En haut, en bas, dans le balcon, les mezzanines, les prépines, les medines, la twin, la twin, tous ces gens-là, écrivez-moi à Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercial@admin.com. Et là-dessus, là, sur Internet, dites-moi juste oui. Si vous me dites oui, ça veut dire que vous m'écoutez. Si vous m'écoutez, ben, je vais vous écrire quelque chose. Mais pas à tout le monde, là. Je veux dire, j'écrirai pas la même chose à tout le monde. La preuve, c'est simple, là. Excusez-moi, je me suis étouffé parce que j'ai mangé deux, trois beignets de Rita Bibelot, puis elle m'avait dit, j'ai pas trop mis de crémage parce que je sais que ça te coupe le souffle. Mais ouais, non, non, c'est du chocolat. C'est du coulis de chocolat. Ben oui, mais chocolat que c'est bon. Là, je parle au micro, puis je régurgite. Ben, je régurgite. Mais Madame Tremblay, faites-vous-en pas, là. Appelez pas l'ambulancier Saint-Jean, là. Il y en a déjà trois. Si vous passez au 405 3e Avenue, là, regardez, là. Regardez, il y a trois ambulances qui m'attendent. Puis là, entre eux, là, ça parle. Là. C'est une bonne vision. Hein? Ils sont assez CKRL au 81.1. Puis là, ils discutent. Là, moi, je vais le prendre. Non, c'est moi. Mais là, il y en a trois. Là, ils ont eu cette idée de cingler, de me couper. Je dis, c'est pas un tour de magicien, moi, là. Si vous me tranchez, je pourrais pas me rassembler tout seul, là. Faites pas ça. Ben, hey, on est des busambulances. On connaît ça, nous autres, le corps du tabarnouche de Saint-Simonac, s'il vous plaît. Le corps, moi, c'est mon corps. Livré pour moi. Je vais prendre celle du milieu, là. Non, on divise en trois. Oh, mon Dieu. Regardez, prenez le micro. Hein, première ambulance, c'est le micro. Deuxième ambulance, ben c'est la console, puis troisième, ben c'est le gars. C'est le gars. Pas le grand-père. Non, j'ai... Non, pas. C'est le gars. C'est moi, c'est gars. Rénal Gagné. C'est le gars. Rénal Gagné. Oh mon Dieu! Là, c'est Suzanne dans le milieu qui m'a dit je veux avoir Rénal Gagné. Parce que j'ai toujours perdu. Toi, en arrière, le troisième, tu l'as, l'ampli, puis les micros. Puis... Là, le premier dit non, c'est moi le micro. Mais calmez-vous. Vous aurez ce que vous aurez. Vous mériterez rien. Puis allez-vous-en. Cette semaine, il s'agit... ouais, on est le 21. On est le 21. C'est quoi le 21? Ben, c'est pas le 22, c'est pas le 23, c'est pas le 24, c'est pas le 25, c'est pas le 26, c'est pas le 27. C'est quoi le 21? C'est le 21. Cette semaine, ce que je vous dis, c'est que nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons un mot pour peut-être l'amener dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « bûche » ou « trébucher ». Ouais, là, on va faire un colloque. Parce que « bûche » et « trébucher », c'est pas la même chose. Le « bûche », là, c'est un arbre ou c'est un gâteau. Puis « trébucher », c'est tomber sur l'arbre ou sur le gâteau. Quoique, c'est vrai qu'il y a un génie là-dessous. C'est moi, Rénal. Non, il y a un génie là-dessous. Oui, c'est moi, Rénal. Non, j'ai dit qu'il y avait un génie là-dessous. Mais c'est moi, Rénal. Non. Un génie, j'ai dit. Un génie. Là-dessous. Et c'est merveilleux. Parce que bûche et trébuche font bon ménage. Parce qu'à trop manger de bûches, à trop couper de bûches, hein, quand tu te places du bois devant toi, tu risques de trébucher. À chaque fois que tu manges de la bûche, du gâteau, alors tu te remplis l'estomac. Hey, crois-tu que le foie travaille, le foie, là? Pas ta foie, mais le foie. Parce que ta foie a déjà travaillé, elle a abandonné. Elle dit, non, ce n'est plus des miens, non, je ne suis plus les siens, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Et le mal qu'il m'a fait, ça m'est bien égal. Mais l'autre dit, non, je trébucherai sous, pas bien sûr, parce que sous, on trébuche pas sous. On glisse sous, on trébuche sur. Ah mon, c'est quoi ça? Ben, c'est de la compréhension, c'est simplement ça. Si t'as des difficultés là-dessus, là, t'es recalé. Va écouter la radio commerciale. Elle va aller dans ton sens, là. Ton sens unique. On commence. Non. On a perdu quoi? On n'a pas perdu. Non, on ne perd jamais. On y va. Elle perd, non, elle va arriver, non. Non, c'est le 24, là. 24 ou 25. Pas avant. Puis c'est pas Père Noël. On y va. Le Père Noël, c'est... C'est quoi? C'est une ordure. Placez vos ordures. Il y a 24, là. Hey, si tout le monde plaît vos sacs verts, le 24, devant votre chez-soi, tout le monde va recevoir des déchets. Ils vont dire, hey, Noël, c'est un déchet. Ben oui. Ça fait longtemps que je le sais, moi. Okay, on y va. Non. Le 21, ça bien égal. imaginez-vous, j'ai 10 questions de la fin et vous répondez comme vous le sentez. Si vous étiez un liquide. Si j'étais un liquide, alors moi j'aimerais être de. Vraiment, si j'étais un liquide, j'aimerais être de l'eau, mais de l'eau de la montagne. Laquelle? De l'eau qui descend de la montagne dans des petits ruisseaux comme ça, okay. Très clairs. Tu vois, on voit des belles couleurs. La limpidité. Là, ouais. Qui descendent comme ça et qui a des. Il fait des petits. Voilà. Ah, ouais, ouais, et, ouais. Et puis on arrive en bas, on la boit parce qu'elle est fraîche. Ah, ouais, ouais, voilà. Ouais. C'est ça que j'aimerais. Si, si vous étiez une ville. Ah, si j'étais une ville, ce ne serait pas Paris. Non, maintenant. Non. Mais non, vous n'êtes pas vraiment parisien dans l'ordre. Non, je ne suis pas parisien. J'aime pas trop les grandes villes. Qu'est-ce que vous détestez à Paris? C'est la. C'est le débordement. Ce n'est pas que je déteste Paris, c'est que Paris n'a plus, plus l'âme de Paris. Et c'était à quelle époque l'âme de Paris? Moi, j'ai connu plus ou moins l'âme de Paris. Lucien, qui est avec moi, il l'a connu beaucoup plus que moi. Vous êtes parisien, vous? Oui. Okay. C'est pas de ma faute. Non, c'est pas de ma l'âme de Paris, c'était quand on disait Pigalle, quand on disait ces choses-là, l'accordéon, Ménilmontant. OK, 40-50, 60. Voilà, ah, 40-50. Donc, tu vois, dans les années 55, dans les années 54, dans ces années-là, c'était Paris. Ah ouais. Paris, d'accord. Là, maintenant, on a été envahi par des cultures autres qui ne sont pas la nôtre et qui donnent Paris, bon, des cultures qui viennent de l'Orient avec tout ce qu'on a. Donc, on se retrouve avec plus de couscous que de. Bon, donc, voilà. Donc, moi, Paris, bon, c'est plus Paris, quoi. Si vous étiez une langue. Je reste très français. J'étais une langue, je crois que c'est la plus belle des langues. Et on peut tout dire avec cette langue-là. Parce que chaque détail est peut être par un mot. Mm-hmm. Alors que les autres langues, non, surtout pas l'anglais. Non, non, non, bon. C'est trop Bye. écorche-moi les nerfs, fais-moi péter les plombs, mets-moi la misère avec tes hauts talons. Surtout ne sois pas triste, tu peux y aller, je suis masochiste. Passe-moi sur le cœur, viens-en au fait. Avec ton fer, vapeur ou à friser. Même pas peur, c'est parfait. Écorche-moi les nerfs, resserre-moi les boulons. Mets-moi la misère avec tes os. Vous pouvez écrire à votre animateur, Reynald Gagné, via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.